feel this way. Yeah, I say hit the tone, cause you're who they are. Yeah, we play with the world, thank to this moment. Yeah, such a chess game, such a chess game, a chess game, a chess game. Oh yes, to all those there, I want to tell them to look, yes, you look, run you down, and open your eyes. I say open your eyes now. I say open your eyes. I say open your eyes now. I say open your eyes. Chaque jour passe, je m'assagis plus, mais chaque phrase admire mon juste face au fantasme des bustes qui débutent dans mon bus pour la lune, au ticket qui se fume. Je rêve à une vie différente, simple et plaisante, oui, moins oppressante. Mes collègues, sans complaisance, aspirent à la même, même si l'on plaisante. Parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a réussi et qu'on a persisté, l'espoir de garder pour le garder, parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a résisté et qu'on a persisté, l'espoir de garder pour le garder. Always politicians, help them to make one world a nation. Yeah, while they live on chessboard, yeah, talk to say nothing, just life meant to say nothing, just life meant to say nothing. Give up just from the right way, give up just from the real life, give up just from the reality, give up just from the truth, no. Give up just from the right way, give up just from the real life, give up just from the reality. L'écrasante majorité souhaite la paix, écraser les puissants mégalomanes scellés. Une nation se tape pour ronger, tout en voter, sans s'exprimer. Allez, tous les 5 ans, le même cirque extrémiste, centriste, capitaliste et socialiste. Ils font semblant, ils se ressemblent tant que votre nul loup blanc, c'est non ouvertement. Parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a insisté, qu'on a persisté. L'espoir, faut le garder, faut le garder. Parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a insisté, qu'on a persisté. L'espoir, faut le garder, faut le garder, parce qu'on a réussi. I want to hold your brother, but you even compare your things to your power. I tell your money, you are like a sort of human being. Come back to the reality, yeah. You come back to the reality, yeah. You come back to the reality, yeah. You come back to the reality, yeah. Parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a insisté, qu'on a persisté. Pour le garder, parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a insisté, et qu'on a persisté. L'espoir, le garder, pour le garder, parce qu'on a réussi à encaisser tous les coups, parce qu'on a réussi à avancer malgré tout, parce qu'on a insisté, et qu'on a persisté. L'espoir.